civilisation devienne consommable, conspirée par le cortège des oracles guerrières moites de cette succion des terres, celles-là qui font misère des cordes à peine comptées, parfois entrevues durant le vivre et le mourir en la seule seconde terrifiante, orgasmique, mourir et vivre en la seconde qu'elle éclate, mère de la misère corde, en la seconde. De ta main, de ta seconde.